paiera. Je crois qu'on a fait tout le tour, je me lance des fins, je crois pas que le temps paiera. Même si on fait tout pour rien que ça dérape. Frérot, je compte pas que la joie débarque, c'est rare, y'a que quand je pose mon verre sur le comptoir que je tape des barres. C'est grave comment on s'écrame à la vie, même si on me le proposait, je sais pas si je serais prêt à regarder l'avenir. Ouais, mon talent cache, tu penses au cash et pour dormir, pas de talent sage. Il te faut ton flash de cash et pour vomir. Mon rêve dans la bulle, j'fais que buter mon chiffre. J'pense qu'à mon chip, j'reste dans ma bulle, j'fais buter mon shit. J'banque le marron d'un rare, sans les compars sans attente. On part en couille ou en bas trip, j'reste qu'on part en vacances. Trop de faux départs, quand tu veux être bien peint, faux départs. M'en voulais pas si j'm'en tape et que j'reste loin de vos départs. Plus que solitaire, ouais, il parle seulement de son ombre. J'laisse la folie faire, les nuits blanchantes solo sont nombreuses. Peu importe les ventes, le temps va les perdre. Je vous laisse vous vendre, je me dis que le vent n'emporte pas les pierres. Je l'attends de pied ferme, j'entends sa voix, j'ai pris le fer. Mais l'argent ou l'amour, veux-tu vraiment savoir ce que je préfère? En vrai, je suis pas sûr de les connaître. Je fais que déconner, je me déconnecte. En aspirant des connes sur des comètes, tous des rôles, on les connaît, y'a plus rien à espérer. Je seul tout depuis que je traîne qu'avec ceux qui sont restés vrais. Ah, je fais pas un bordel, je tue ma canette dans mon coin. Apaisé, je mets tout dans mon vin, il paraît dans mon joint. Ouais, je parais tellement loin, les yeux sur terre me ramènent la réalité. Non, je suis pas bien, ils pensent. À mon père me rappelle la gravité. Je veux pas être celui qui faisait trop le mec. Je dis pas que je les ai détrônés avant d'essayer d'être premier. Gros, essaye d'être honnête. Je crois pas que la vie est trop laide. Gros, à la voix du mauvais angle. T'essaye de remonter la pente, t'iras nulle part en redescente. Ouais, il nous faut la maille et j'attends de filer. J'essaie de pas passer dans les mailles, j'suis déjà dans le filet. Le temps nous feinte, c'est la défaite quand j'compte les fautes. Dur de se défaire de ses défauts. Et je continue de perdre du temps. Tu perds quand tu donnes autant. Je vois la guerre qui se lève au loin. Qu'on rien à foutu dans mon tank. Dans ma bulle, je calcule plus d'équin. J'allume, y'aura qu'un P1. Le rap mon terrain, je racontais rien de plus. Clarage d'un terrain. Peut-être qu'on aurait mieux à faire. Vie en décalage, frère. Le soir, je remets tout en question. Pourtant, je fais pas la fête. Je sais que j'ai besoin de la SIC. Je suis pas sûr qu'elle ait besoin de moi. Je sais que je suis pas bien ici. Mais je suis pas sûr que je serais mieux dans l'au-delà. On a trop vu l'eau des larmes. Y'a plus rien qui nous étonne. J'allume la flamme qui nous éteint. J'ai plus de la femme que de ses bonnes. Beaucoup trop poids sur mon épaule. Les cinq lapins qui nous épaulent. La haine dans le cipo et la peine qui nous épaule. I know you gonna dig this. Fuck the funky beat. Fuck the funky beat. Funky, fuck the funky beat. I know you gonna dig this. Fuck the funky beat.